Yeah. Ah mon gars, si tu savais, j'en ai pris, j'en ai pas. Yeah. Si je suis hal, c'est pas pour rien, des épreuves, j'en ai brave. Peines et douleurs aggravent, à jamais grave. Je pense à ce putain de monde dépravé. Quand je t'ai en plus sur les paves, mon cœur est une épave, mon cœur éponge. Yeah, yeah. Je ne me sens pas très bien, souvenir noir qui me ronge. Yeah, yeah. J'allume un putain de joint, puis je replonge. Je tire et je m'allonge, puis je replonge au fond de mes songes. Yeah, au milieu des mensonges, au milieu des sourires. Mon cœur, je le vois pourrir. De haine, il ne fait que se nourrir. Désolé si j'arrive plus à l'ouvrir, mais je veux plus souffrir. Je sens le poids de mes peines s'alourdir. Je voudrais voir ma haine s'assouvir. Je peine à dormir, je peine à m'assoupir. Yeah. Je repense aux pleurs et pour rire. Faut que je me repense avant mon dernier soupir. Donc bitch, derrière toi je peux pas courir. Je dois tout niquer, faire du cash avant de mourir. Yeah. Avant que mon esprit s'abîme. Faut que je m'éloigne des abîmes. Que je me rapproche de la cime. Sans oublier mes racines. Pour éviter la déprime, je me réfugie dans la crime. J'aimerais bien, mais je suis pas dans un dream. J'en suis loin, donc je suis pas dans la frime. J'ai un peu de mal à m'exprimer. Je ne pense qu'au papier imprimé. Je sens mon cœur se comprimer à cause de tout le seum que j'aimerais supprimer. En attendant, je vais crimer. Pour ça, personne peut me brimer. Je vais pas me laisser réprimer. Nique sa mère, j'ai trop trimé. Ah mon gars, si tu savais tout ce qu'on avait dans cette putain de life. Je traînais solo tard la night, donc dans ma poche j'avais un putain de knife. Dans la débrouille, j'ai fait des magouilles pour des putains de paires de Nike. J'm'en battais les couilles, aujourd'hui j'suis toujours le même. J'baisse pas mon froc pour des likes. Ah mon gars, si tu savais tout ce qu'on a vécu. Tout ce qu'on a fait pour les écus. Tout ce qu'on a fait pour le pécule. Tout ce qu'on a fait pour qu'ils se décupent. Parce que l'argent c'est la sécu, donc j'étais prêt à tout pour tes thunes. J'étais pas fait pour les études, j'suis bien trop têtu. Moi j'voulais juste être bien fêtu et fumer des grosses têtes de laitue. Et depuis j'fume la salade, pour la santé car j'suis malade. J'sors le merco, j'me balade. Vroom. J'sors le merco, j'me balade. J'suis dans le club des 27 vallées. J'me souviens quand j'avais rien, aujourd'hui j'ai tout ce qu'il me fallait. J'recale des meufs bien plus fraîches que les meufs qui me recalaient. Nouvelle année, nouveau salaire. Fini la galère, la putain de sa mère. J'dois ôter le goût amer au fond de mon palais. Souvenirs et sentiments, Dieu. Faut que j'sorte des sentiers battus. Quand on me dit Joss, comment vas-tu? J'dis que ça va alors qu'en vrai j'suis abattu. Faut que je casse ma routine. Baby girl, viens on sort, viens on jean. Baby girl, viens on chill. Baby girl, viens on jean. Chin. Peu de temps après t'entends cling, cling. C'est le bruit de mes chaînes. Vends ton ken. Yeah. Quand elle est en clean et qu'elle s'incline, c'est clean, clean. Puis je repars au bon char. Zoom la weed jusqu'au tonka. J'oublie tout, je tire sur la zeb. Toi d'honneur, sourire acerbe. Yeah, t'as capté. J'ai confiance dans mon auriculaire. Et mon cœur dite mon vocabulaire. Je reste une lame dans l'artère jugulaire. Et de grosses fractures mandibulaires. Le quotidien me fait pas du bien. Mais j'ai les gros, j'ai du cran, j'ai du nerf. Pour les calmer, je fume et je deviens lunaire. Yeah, ah mon gars, si tu savais. J'en ai pris, j'en ai pas. Yeah. Si je suis hal, c'est pas pour rien, des épreuves, j'en ai brave. Peine et douleur aggrave, à jamais grave. Je pense à ce putain de monde dépravé. Quand je t'ai en plus sur les paves, mon cœur est une épave, mon cœur éponge. Yeah.